Chapitre 13. Le sixième mois de sa grossesse étant venu, voici que Joseph revint de son travail de charpentier. Et, entrant dans sa maison, il vit que Marie était enceinte, et, baissant la tête, il se jeta par terre, et il se livra à une grande désolation, disant « Comment me justifierai-je devant Dieu? Comment prierai-je pour cette femme? Je l'ai reçue vierge du temple du Seigneur Dieu, et je ne l'ai pas gardée. Quel est celui qui a fait cette mauvaise action dans ma maison ?» et qui a corrompu cette vierge. L'histoire d'Adam ne s'est-elle pas reproduite pour moi? Car dans l'heure de sa gloire, le serpent entra, et il trouva Ève seule, et il l'a trompée. Et vraiment, il m'en est arrivé de même. Et Joseph se releva de dessus le sac sur lequel il s'était jeté, et il dit à Marie, « Ô toi qui étais d'un tel prix aux yeux du Seigneur, pourquoi as-tu agi de la sorte, et pourquoi as-tu oublié le Seigneur ton Dieu, toi qui as été élevé dans le sein des saints? Toi qui recevais la nourriture de la main des anges, pourquoi as-tu ainsi manqué à tes devoirs ?» Marie pleurait très amèrement, et elle répondit, « Je suis pure, et je n'ai point connu d'homme. » Et Joseph lui dit, « Et d'où vient donc que tu as conçu ?» Et Marie répondit, « Vive le Seigneur mon Dieu, je le prends à témoin, que je ne sais point comment il en est ainsi. »